Vous m'en lirez tant, votre émission littéraire présentée par Mona. Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Bernard Trésor, auteur de bande dessinée, qui vient nous parler de deux de ses ouvrages, Alerte dans les musées lorrains et L'abbé Grégoire, humaniste lorrain. Bonjour Monsieur Trésor. Bonjour Mona. Alors vous pouvez nous parler de vous, nous raconter un peu votre parcours ? Oui. J'ai commencé à faire des bandes dessinées à partir de la retraite, c'est-à-dire à partir de 2001. Voilà, pourquoi ? Parce que j'aimais déjà auparavant faire des petits dessins, faire des caricatures, des petits dessins de presse. Mais il me faut beaucoup de temps pour faire une bande dessinée, puisque je fais à peu près tout seul et je m'arrête au seuil de l'imprimerie. À savoir, je fais le scénario, le script naturellement, le scénario, les dessins et la colorisation, voilà. D'accord. Et vous n'avez pas eu envie d'écrire des romans, c'est plus la BD ? Si, j'ai eu envie, mais j'étais surtout attiré par l'image. J'ai toujours été attiré par l'image, alors la BD était un bon objectif pour réaliser donc, ce vœu et ce souhait. Alors, vous avez une formation particulière ? Non, oui et non. J'ai surtout suivi une formation en parallèle, c'est-à-dire des cours du soir aux Beaux-Arts, et puis j'ai fréquenté quelques ateliers artistiques à Nancy. D'accord. Et alors, j'imagine que la conception d'un tel ouvrage vous demande beaucoup de temps. Comment procédez-vous ? Alors, on procède dans un premier temps par une documentation. Une documentation, à savoir donc rechercher mes principales BD, j'en ai fait 7. Hein, et les principales, ce sont 5 enquêtes policières qui gravitent toujours autour d'un fait réel. La dernière, Alerte dans les musées, on en parlera peut-être plus précisément, part d'un fait réel qui est un cambriolage au musée d'art moderne de Paris que j'ai transposé au musée Lorrain. Ensuite, une fois la documentation réalisée, on écrit le script. Il faut savoir qu'au niveau de la BD, on a des contraintes techniques, notamment au niveau de l'imprimerie. Ce sont des albums qui ont des pages, qui ont un nombre de pages qui est un multiple de 8 parce qu'elles sont reliées, ces pages, par des feuillets de 8. Alors, vous voyez, c'est déjà la première contrainte. Oui. Puis ensuite, on a une autre contrainte qui est la mise en page pour toujours ménager un grand caractère de lisibilité. D'accord. Alors, vous êtes... comment donc ? Parlez-nous de Panique dans les musées lorrains. Alors, Panique, Alerte dans les musées lorrains, plus exactement. Ah oui, pardon, c'est moi, oui. Voilà. Alors, comme je le disais précédemment, ça part d'un fait réel dont on parle actuellement, parce que le procès a lieu actuellement à Paris, qui est un cambriolage, un casse, comme on dit dans le jargon, d'un vol au musée d'art moderne de Paris. Alors, ce vol consistait à kidnapper en quelque sorte des toiles, mais des toiles qui étaient invendables. C'est des Picasso, Modigliani, Braque, etc. Donc, on peut supposer, et la supposition serait authentique, qu'il y a des manias, des riches, des milliardaires, des hommes très riches, qui ont des petits musées privés, voilà, tout à leur plaisir, et qui commandent ce genre de cambriolage. Et actuellement, le procès a lieu à Paris. C'est un homme araignée qui a gravi donc les façades de musées d'art moderne et qui a même dépassé la commande, donc du commanditaire, puisqu'il a pris quelques toiles pour lui. Il les trouvait très séduisantes, donc il les a pris pour lui. Ah d'accord. Oui. Et alors, cette BD a été éditée en 2013 et pourtant elle a un petit caractère d'actualité en ce moment. Voilà, j'ai eu elle a un petit côté prémonitoire, oui. Parce que comme je l'ai dit, je l'ai transposée au musée Lorrain, notamment au musée des Beaux-Arts du 18e siècle, place Stanislas. Et actuellement, il y a une rétrospective des œuvres d'Émile Frion. Et dans cette BD, j'évoque l'une des œuvres d'Émile Frion qui s'appelle « Les Amoureux ». Voilà, qui a toute une histoire aussi. Oui, c'est sûr. Alors, vous mettez en valeur le patrimoine lorrain qui sert d'écrin donc pour vos enquêtes policières. Alors, les bâtiments historiques, ils sont merveilleusement représentés avec beaucoup de poésie, je trouve. Alors, vous êtes amateur d'art et d'histoire ? Oui, j'aime beaucoup l'art et l'histoire et puis j'aime beaucoup le patrimoine lorrain. J'ai fait mes études et une partie de ma carrière à Nancy. Et j'ai toujours aimé un peu flâner dans les rues. Naturellement, il y a toujours des petits aspects des quartiers insalubres, ça dans toutes les villes. Mais je pense que Nancy a, depuis quelques années, quand même bien restauré sa vieille ville, oui, et son patrimoine.

Oui, c'est encore une petite aventure, ça, parce que la BD, ben, elle mène à tout. Et mon côté curiosité et grand observateur fait que je suis allé dans les coulisses du musée, justement, enfin du Centre Pompidou de Metz, et j'ai visité le Centre Pompidou par les coulisses, justement. Ce qu'il faut savoir, que tous ces dessins, notamment pour le Centre Pompidou, sont labellisés. Et il faut une autorisation écrite, etc., avec des contraintes bien particulières, faire figurer dans l'album le nom du japonais, du français qui ont réussi, qui ont été lauréats du concours pour l'architecture de ce centre. Et voilà, il y a beaucoup de contraintes aussi, mais enfin c'est très très très, comment dire, très séducteur, très séduisant, voilà, de faire ce genre de travail là. Alors, vous avez conçu également une BD sur l'abbé Grégoire. Vous pouvez nous parler de cet homme extraordinaire? Alors, l'abbé Grégoire, oui, si vous voulez, c'est une commande de l'association des amis de l'abbé Grégoire. Leur réflexion rejoignait la mienne, à savoir que je savais que tous les petits Antillais, les petits Guadeloupéens qui venaient en France passaient par Ambert-Ménil. C'est un passage obligé dans leur séjour en France, en métropole. Et pourquoi ? Parce que l'abbé Grégoire est à l'origine de l'abolition de l'esclavage. Alors, pour revenir à l'abbé Grégoire, on le redécouvre de temps en temps, et un peu plus maintenant, parce qu'il y a une maison muséographique à Ambert-Ménil, et maintenant il y a la BD. Bon, je ne veux pas la mettre au pinacle non plus, mais cette BD-là retrace donc la vie d'un visionnaire, d'un homme très brillant, d'un très grand orateur et d'un homme universel. Mmh. Alors, j'ai intitulé l'abbé Grégoire humaniste lorrain. J'ai un peu hésité sur l'humaniste, ça fait un peu philo, mais je n'ai pas trouvé de synonyme qui lui allait mieux. Et donc, j'ai retracé la vie et l'œuvre de l'abbé Grégoire, oui. Oui, oui. Alors, racontez-nous un peu sa vie. Alors, sa vie, bon, c'était le fils d'un petit échevin de Véau, qui est dans le Lunévillois. Il a été repéré par le curé Chérier d'Ambert-Ménil, qui l'a pris sous son aile, en quelque sorte, et qui a donc joué le rôle de précepteur, qui l'a mené jusqu'au collège. Mmh. Le collège des Jésuites, pardon, dont la façade existe encore en haut de la rue Saint-Dizier. Ensuite, il a fait des études à ce qui est actuellement la bibliothèque centrale de Nancy, à côté du lycée Henri Poincaré. Ensuite, il a suivi donc des études au grand séminaire. Voilà. Et puis, il était en avance de 2 ans. Il n'a pas tout de suite été ordonné prêtre. Et quand il a été prêtre, il a été nommé à Château-Salins et Ambert-Ménil. Et là, Ambert-Ménil, il a déjà commencé à être très humaniste en ouvrant sa bibliothèque, qui était sommaire, hein, mais qui comportait une 60aine d'ouvrages, à tous les gueux, les miséreux de sa paroisse. Et il ne faut pas croire que c'était que des livres pieux, c'était des livres aussi bien sur l'agriculture, sur l'élevage des bêtes, sur comment renouveler les cultures, comment planter des arbres et diversifier aussi les plantations. Mmh. Donc tout ça, c'était dans le sens d'une progression, d'un progrès humain, toujours humaniste. Et ensuite, le tremplin, ça a été les états généraux de 89. Il se présente donc au titre du bas clergé et il est nommé par ses pairs député du bas clergé. Et là, il monte à Paris et il est promis à une carrière politique extraordinaire. Oui, oui. Alors, on parle 1789, bien sûr, hein, juste oui, avant la façon. Révolution. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Et donc, comment il est arrivé à faire abolir l'esclavage ? Alors, c'était un homme très humaniste, naturellement. Il a fait abolir l'esclavage parce qu'il était conscient, avec un autre anglais dont j'oublie le nom, excusez-moi, que l'esclavage, ben c'était, il fallait l'abolir, quoi, tout à fait, au niveau des plantations de coton. Bon, en aparté, donc c'est Napoléon qui a remis l'esclavage en vigueur parce que son beau-père était planteur de coton, et c'est Victor Schœlcher qui a finalisé donc cette abolition de l'esclavage. Alors, bon, il faut dire aussi qu'il était profondément humain dans la mesure où il voulait que chaque français, qu'il soit esclave à l'époque, hein, je ne sais même pas s'ils avaient la citoyenneté, les esclaves, là je dis peut-être une bêtise, mais par exemple au niveau des juifs, il faut savoir que les juifs en Lorraine n'avaient encore pas la citoyenneté française. Oui. Et quand il était curé d'Ambert-Ménil, il était appelé à la prêche, à la chaire, dans l'église Jeanne d'Arc, Lunéville, comme il était très grand prédicateur, et il a fait des sermons là, sur la citoyenneté des Juifs, sur la défense, pour défendre les droits des Juifs en tant que citoyens, oui, qui étaient encore le Juif errant dans nos villages. Ouais. Oui, oui, oui. Et alors, il devait avoir une force de conviction assez importante. Voilà, par partout où il allait s'imposer. La preuve, lorsqu'il a été député, il s'est déjà imposé par ses, au niveau de ses pairs pour être élu député du bailliage de Lunéville. Et ensuite, lorsqu'il est monté donc à Versailles, vous savez que le roi Louis XVI a interdit, vu le nombre de cahiers de doléances, et puis vu le nombre de revendications des gueux, enfin du peuple français, Louis XVI interdit donc les salles du château de Versailles. Mmh. Et c'est l'abbé Grégoire qui a pris l'initiative donc de réunir le bas clergé et les tiers états à la salle du jeu de paume. Mmh. Il y a un tableau de David qui symbolise très bien cette réunion là, qui était très importante. Et l'un des personnages centraux de ce tableau, c'est l'abbé Grégoire, qui se trouve entre un chartreux et un protestant, un pasteur. Mmh. Il a participé à la Déclaration des droits de l'homme ? Alors, on lui prête, oui, justement, l'origine de la Déclaration des droits de l'homme, et on lui prête notamment la rédaction du premier article. Voilà. Et d'ailleurs, il voulait lui imposer aussi à l'Assemblée constituante de l'époque la déclaration des droits de l'homme aussi, des devoirs de l'homme. Oui, d'accord. Oui. Et alors, il a fini comment, cet homme ? Il a fini dans la pauvreté, malheureusement, parce que il a connu 4 rois et un empereur. À titre anecdotique, il soutenait Bonaparte lorsqu'il était général républicain et qu'il défendait la République, hein, et qu'il avait de nombreuses batailles victorieuses au nom de la République. Et ensuite, il s'opposait à Napoléon lorsque Napoléon est devenu empereur, avec tous les privilèges que ça sous-entendait, puisqu'il était contre les privilèges. Mmh. Alors, vos BD sont destinées à un large public, hein. Il y a 2 niveaux de lecture. C'est voulu, je pense. Oui. Comme je fais toujours appel au patrimoine lorrain, et je veux mettre ce patrimoine en valeur, c'est vrai que les personnes adultes qui ont un arrière-plan culturel, notamment historique, comprennent un peu mieux, ou un autre niveau de compréhension. Mais le premier niveau, c'est-à-dire le premier degré, peut se lire facilement. C'est une histoire qu'on peut lire au niveau des enfants à partir du cours moyen. Alors, vous avez édité combien de BD ? J'en ai édité 7. Oui, toutes sur la Lorraine ? Toutes sur la Lorraine, oui. Alors, 5 BD donc, qui sont des intrigues policières, qui revisitent le patrimoine lorrain au fil de l'enquête policière. Et puis, 2 BD côté une commande, l'abbé Grégoire, commande des amis de l'abbé Grégoire. Et puis, une autre sur la guerre de 14-18 en Lorraine, qui a été une commande du Souvenir français. D'accord. Alors, on entend beaucoup parler de la difficulté de faire éditer des BD et beaucoup d'auteurs choisissent maintenant l'auto-édition. C'est votre cas ? C'est mon cas parce que je voulais avoir les coudées franches, comme on dit. C'est-à-dire ne pas me voir imposer un script, un scénario et puis surtout ne pas me voir imposer des contraintes de la part de l'éditeur, ce qui arrive souvent. J'ai des amis qui sont BDistes, comme on dit professionnels, et qui ont de nombreuses difficultés. Et puis en plus, il y a le pouvoir financier qui s'empare un peu de l'édition. Oui, c'est vrai. Donc, il faut avoir du succès, faire des tirages, etc. Et ce n'est pas facile. Donc, je préférais garder mon indépendance, voilà. Oui, oui. Et ce n'est pas plus difficile, puisque apparemment, quand on regarde vos BD, c'est fait de façon artisanale, mais dans le bon sens du terme. Hein. C'est-à-dire que vous n'avez pas, j'ai pas l'impression que vous utilisiez un logiciel. Non. Alors ça, j'y tiens beaucoup, parce que je veux un peu me démarquer de ce qui se fait actuellement. Et apparemment, bon, ça a l'air de plaire, justement, le côté artisanal. Je prends encore le crayon, la gomme, l'encre de Chine et puis l'aquarelle. Oui, voilà. Et ce n'est pas plus difficile de faire imprimer ? Non, ce n'est pas plus difficile. Non, c'est peut-être un peu plus difficile en réalisation et ça prend un peu plus de temps. Il faut un an et demi, 2 ans quelquefois pour faire une BD. Voilà. Oui, bien sûr. Oui. J'imagine bien, effectivement. Voilà. Mais bon, ça vaut le coup. C'est gentil. Alors, nous allons faire une seconde pause musicale, pardon, et vous avez choisi de nous faire entendre Nuages par Django Reinhardt. Alors, nous sommes toujours avec Monsieur Bernard Trésor. Alors, dans vos BD qui ne sont pas historiques, vous vous amusez, je pense, à mettre des petites vignettes. Racontez-nous. Oui, j'essaye d'enrichir l'arrière-plan et dans Alerte dans les musées lorrains, justement, j'ai mis quelques affiches des brasseries lorraines, brasseries anciennes, hein, Vézelis, Saint-Nicolas, Champignol, Tantonville, voilà, dans un bar où jouent les enquêteurs. Voilà. Ils jouent au baby-foot, là, pour tout vous dire. Et j'espère que vous le découvrirez en achetant cette BD. Voilà, c'est encore un petit clin d'œil sur le patrimoine lorrain d'autrefois. Voilà. Alors, quels sont vos projets, proches ou lointains ? Alors, proche ou lointain, alors un peu plus lointain parce que je fais autre chose en ce moment, on m'a demandé une BD sur le château de Lunéville, château des Lumières, avec la vie et la cour de Stanislas au château de Lunéville, et une autre BD dans le style de 14-18 en Lorraine sur la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, toujours en Lorraine. Toujours en Lorraine, d'accord. Mais je pense savoir que vous avez une autre corde à votre arc. Oui, en ce moment, je fais de la sculpture, voilà, de la sculpture en cristal. Voilà, d'ailleurs, j'expose à Dombasle, fin février, mars, à la salle polyvalente. Voilà. D'accord, vous avez donc dû apprendre le métier du verre un peu ? Oui, j'ai commencé par la céramique, voilà, oui. Et dans l'atelier où je travaillais, de l'autre côté du corridor, il y avait un stage sur la sculpture en cristal, je m'y suis inscrit, et puis voilà, j'ai pris goût, et voilà, maintenant je fais partie de deux ateliers, un à Ville-et-Nancy et un autre à Saint-Max, l'atelier des Murins. D'accord. Alors, vous serez présent au Salon du Livre de Ville-et-Nancy les 11 et 12 mars 2017 et au Salon du 26 mars 2017, qui aura lieu à la Bibliothèque d'Essey-les-Nancy. Vous aimez le contact avec le public ? Oui, je pense que c'est très enrichissant. Oui. Je pense qu'un livre, il faut le faire vivre. Oui. Il y a de grandes émissions à la télé, notamment la Grande Librairie, que j'aime bien le jeudi soir, où on fait vivre ces livres-là. Et on comprend mieux quelles sont les intentions de l'auteur, de l'écrivain. Et là, j'ai toujours plaisir à déclarer mes intentions lorsque j'ai réalisé cette bande dessinée-là. Oui, oui, d'accord. Ben, c'est bien. Et alors, dites-nous où on peut trouver vos BD, bien sûr. Alors, les BD, il y en a quelques-unes à la librairie Quentin, à Lunéville. Sur Nancy, bien, écoutez, j'ai tout vendu, donc il n'y en a plus. Mais on pourra donc se les procurer au niveau des salons que je fréquente, donc à Essey, à Villé, et peut-être d'autres salons. Je peux déjà parler de Chaligny le 25 février 2017. Oui. Voilà, parce que c'est un salon qui est un peu renouvelé, ressuscité. Il a été temporairement donc interrompu. Et voilà, donc à mon adresse aussi éventuellement, mais radiophoniquement, ça ne se fait peut-être pas. On peut peut-être trouver, vous avez un site internet ? Oui, mais bon, il n'est pas actualisé, donc ce n'est pas facile d'actualiser un site. Et je ne suis pas trop informaticien dans ce sens-là. D'accord. Et vous pensez qu'aujourd'hui, un auteur de BD peut vivre de sa production ? Oui, il faut être très célèbre et ils sont rares quand même les auteurs de BD qui vivent de leur production. Bien souvent, ce sont des infographistes qui font ça parallèlement à leur métier et lorsqu'ils ont une certaine notoriété, ils abandonnent leur métier d'infographiste. Mais j'ai connu des BDistes, comme on dit, professionnels donc, qui galéraient. Hein. Bah oui, j'imagine bien. J'ai même connu un dernier prix d'Angoulême. Là, je l'ai vu revenir signer à côté de moi, Alexis, où il y a un festival BD. Il avait racheté tous ses livres à l'éditeur parce que c'était toute une série, sur une série Cowboy Apache. Je tais son nom par discrétion. Et il était venu racheter donc ses livres et les vendre comme ça parce que l'éditeur avait déclaré qu'il n'était plus très rentable, quoi. Il faut dire le mot, quoi. Et quelques années après, il avait le prix d'Angoulême, vous voyez. Ah oui, d'accord. Oui, c'est un peu difficile maintenant difficile. De faire la différence entre ce qui est l'art et ce qui est le commerce. Tout à fait. Il y a toujours des financiers qui s'emparent de ça, voilà. Et les pauvres BDistes, ils ne savent jamais le nombre de livres qui est vendu, voilà. Parce que vous savez, ils travaillent à la planche, ils ont déjà une certaine rémunération au niveau de la planche, et ensuite, ils travaillent au pourcentage de livres vendus. Et ils peuvent téléphoner à au secrétariat de la maison d'édition, quelquefois. Ils n'ont pas toujours les vrais chiffres. Ah oui, d'accord. Alors, comme il nous reste un tout petit peu de temps, je vais être indiscrète et je vais vous demander quel est le monument historique lorrain qui a votre préférence. Ah, eh bien écoutez, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. C'est la fontaine de la place d'Alliance. Oui. Je la trouve très, très jolie. avec la petite trompette qu'il y a tout en haut, oui. Avec des inscriptions qui sont bien réalisées. Et puis ces cariatides, si on peut dire, hein, qui est très très musclé, qui soutiennent donc cette fontaine-là. Je la trouve très très élégante. Hein. Bon, c'est pas très vise, mais bon, c'est très beau, très très beau. Oui, oui. Ah ben, j'imagine que vous allez, que si vous faites la BD sur le château de Lunéville, que ça va être merveilleux, parce que c'est vrai que c'est un très beau château. Puis en plus, c'est très coloré, oui, oui, oui. Oui, très beau château, un beau parc, et puis bon, la magnificence des lieux, et puis des mœurs de l'époque, oui, avec le petit nain aussi. Ben oui, c'est sûr. Oui. Puis avec les jardins, vous allez vous régaler. On va se régaler, mais il faut trouver le financement. Ah oui, bien voilà, sûr. Le nerf de la guerre, voilà. Ben, c'est toujours pareil. Toujours pareil, toujours. Eh bien, je vous remercie, M. Bernard Trésor, d'être venu nous voir. Ben, c'est moi qui vous remercie, Mona, de l'accueil fait à Radio Fagette. Et donc, je rappelle aux auditeurs que vous serez présents donc, au Salon du Livre de Villers-les-Nancy les 11 et 12 mars 2017 et au Salon qui aura lieu à la bibliothèque d'Essey-les-Nancy le 26 mars 2017. Alors, au revoir à tous et à bientôt. Au revoir.